déjà, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler donc, du Jérôme Matelot. C'est la même commande sur le dernier chapitre du livre. Je ne sais pas pourquoi ça doit intéresser les derniers chapitres du livre. C'est les derniers chapitres. Donc sur celui-ci, donc, c'est un livre qu'on a écrit à SESMA entre économistes et sociologues. Parce que j'ai le défaut d'avoir une formation d'économiste. Et donc c'est un livre qui parle des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, qui peut paraître assez amusant, puisque l'enseignement supérieur public reste dans sa grande majorité gratuit, ou en tout cas l'était plus ou moins à la sortie de l'ouvrage. Et l'objectif du livre, c'est d'expliciter... Pourquoi la question elle se pose ouvertement aujourd'hui, quels sont les arguments qu'on peut mettre en faveur des frais d'inscription, quelles sont les limites à ces arguments, et puis de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre, qu'est-ce qui se passe à l'international, et puis surtout est-ce qu'on peut imaginer un autre mode de financement de l'enseignement supérieur en France. Et donc ce que je vais faire ici très rapidement, c'est revenir un peu sur la genèse de la doxa néolibérale d'augmentation des frais d'inscription, avant de passer aussi très rapidement aux arguments et aux limites, et puis de présenter, je vais reprendre un peu le fil conducteur de l'ouvrage, mais en insistant davantage sur la dernière partie. Et au préalable, j'aimerais juste évoquer pourquoi, alors SLU n'en a pas parlé beaucoup des frais d'inscription, et d'un côté tant mieux, c'est-à-dire que c'est pas tant à l'ordre du jour que ça, mais pourquoi, à mon avis, vous allez en parler. Et puis vous en avez parlé un peu sur les diplômes d'université, sur les grandes écoles, etc. Mais pourquoi ça va vraiment arriver? Parce que, à mon avis, c'est le dernier point des transformations que subit l'enseignement supérieur, avec la refonte des statuts des enseignants-chercheurs qui est en train d'être rédigée, qui du coup va créer des vrais chercheurs étoiles et puis des enseignants. Et puis des collèges universitaires, et puis des vrais diplômes intéressants de master. Et donc pour ça, en fait, je voulais repartir de la définition du néolibéralisme de Dardo et de Laval, qui le voit comme une logique normative qui vise à transformer la société en s'appuyant d'une part sur l'universalisation du monde de l'entreprise pour gouverner les individus, et puis d'autre part comme l'institutionnalisation du marché par l'État via la mise en concurrence des institutions et des personnes. Donc si on reprend cette définition, non seulement on a une mise en concurrence, c'est ce qu'on disait, pour les financements, les étudiants pour rentrer pour construire leur trajectoire maintenant, enfin leur parcours plutôt. Donc on a une mise en concurrence des institutions et des personnes. Et on a aussi une logique entrepreneuriale qui est vraiment devenue le modèle de gouvernance des choses. Et des sujets universitaires, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs via les classements des institutions, des revues, les financements par projet de recherche, les modes de recrutement, et puis aussi des étudiants à l'image de ce que Parcoursup est en train de produire comme comportement et va continuer à produire. Et donc, il fait également autant qu'un doute que la marchandisation du savoir via la mise en concurrence des individus et des institutions est en marche, et qu'il n'y a plus qu'un seul élément qui reste pour faire sauter le verrou, qui est celui des frais d'inscription. Et donc, à mon avis, c'est vraiment le dernier élément qui permettra la transformation de la connaissance en marchandise. Et donc, c'est aussi pour ça que ma thèse était sur les frais d'inscription, et pourquoi je m'étais vraiment intéressé à cette question, parce que je pensais que c'était... vrai truc qui fait que l'université n'est plus et que le savoir n'est plus ce qu'il est. Donc sur la genèse de la doxa néolibérale, en fait ce qui est amusant à voir, c'est que dans les pays qui ont mis en œuvre des réformes de financement de l'enseignement supérieur, qui reposent sur une tarification des études, on a toujours l'argument de la crise de la dette, de dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques, et donc ça justifie les réformes qui vont conduire à l'introduction ou la hausse des frais d'inscription. Pourtant, en fait, quand on s'intéresse un peu plus aux histoires de la mise en place de ces politiques dans ces pays, et on s'aperçoit que ce n'est pas la crise de la dette vraiment qui justifie les réformes, mais bien en fait la mise en valeur du rôle de la connaissance et de l'innovation dans le fonctionnement du capitalisme contemporain, et le fait que le capitalisme a besoin de travailleurs dociles et prêts à s'endetter. Pour s'en convaincre, on en parle dans le début de l'ouvrage, il faut regarder un peu comment ces politiques ont été mises en place. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles ont été d'abord conseillées, elles ont d'abord été testées dans les pays en voie de développement via le rôle des organisations internationales avec la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OCDE. Et en fait, toutes ces organisations, elles abandonnent peu à peu, donc on est début des années 80, la doctrine keynésienne qui précède à leur création, et elles vont être parmi les plus ferventes adeptes des nouvelles politiques de discipline, de réformes structurelles, de réformes fiscales, de réduction des dépenses publiques, de privatisation, etc. Et l'éducation n'est pas préservée de ce fonctionnement-là, et elles vont se doter d'une véritable structure en la matière, d'une véritable doctrine, pardon, en la matière, qui est en fait celle de dire que on s'aperçoit que dans les pays en développement, on a un problème de sous-financement dans la mesure où le nombre de jeunes en âge de scolarité augmente et que ça conduit à un sous-investissement éducatif chronique. Et donc la pénurie de moyens, elle va s'imposer en fait comme une base pour réformer les modes de financement dans ces pays en disant que il n'y a pas assez d'argent et que si l'enseignement est en crise partout, le problème il réside uniquement dans l'inadaptation des systèmes de financement. Et donc, tout l'enjeu pour ces organisations, ça va être de dire comment est-ce qu'on fait pour augmenter les moyens qui sont alloués à l'enseignement supérieur, sans évidemment toucher, et à l'éducation en général, sans toucher à l'augmentation de la dette publique, qui paraît être une sacro-sainte mesure qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, pour ce faire, il va y avoir tout un socle de travaux théoriques en économie qui vont servir de base, qui sont tout ce qui est autour de la théorie du capital humain, qui vont dire quand on a une rentabilité individuelle qui est inférieure à la rentabilité sociale, on fait un financement public. Donc c'est plutôt les premiers niveaux, on va calculer des niveaux de rentabilité. C'est les premiers niveaux d'éducation. Et puis au contraire, quand la rentabilité sociale devient inférieure à la rentabilité individuelle, la rentabilité individuelle, c'est les gains salariaux qu'on en tire, on va mettre en place un financement privé à rendement social, financement public, et à rendement individuel, financement privé. Et donc, ce n'est pas vraiment la crise de la dette très tôt qui justifie la réforme de l'enseignement supérieur, mais bien, ce que je disais avant, la mise en valeur du rôle et surtout de la valeur que peut avoir l'éducation dans le fonctionnement du capitalisme. Alors, au niveau national, l'enseignement supérieur, c'est ce dont on parle depuis 2h30, mais qui a subi profondes modifications, donc je ne reviendrai pas forcément dessus, mais l'adoption du processus de Bologne avec la structure en 3 cycles LMD, promulgation de la LRU, mise en place des pôles d'excellence, création des filières d'excellence, création des grands établissements, mise en place des presses. Ce serait très drôle d'essayer de voir tout ça. Et puis, la sélection cette année, et puis la mise en place de frais d'inscription, parce que même si je reviendrai dessus après très rapidement, si on ne les voit pas, on peut en fait les voir un peu. Mais en fait, tous ces éléments, ils sont très marrants parce qu'ils s'inscrivent tous ceux que je viens de citer, dans un rapport qui a été écrit en 2004 par Philippe Aguillon et Élie Cohen, qui s'appelait « Éducation et croissance », qui avait été remis à Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque. Tout est écrit dedans, mot pour mot, enfin, les presses, les IDEX et l'ABEX, il n'y a juste pas les mots qui collent aux initiatives, mais existent. Et pour ces auteurs, il est nécessaire, je reprends une citation, d'investir plus en éducation supérieure si nous voulons stimuler notre croissance de long terme et poursuivre notre convergence vers le niveau de productivité américaine. Et donc, ils ont apporté l'idée dans le débat public que la crise de l'enseignement supérieur est d'abord une crise de financement, si crise de l'enseignement supérieur il y a. Et donc, ils vont questionner ouvertement la gratuité de l'enseignement supérieur et ils vont en fait être très prévoyants en disant qu'il faut faire attention, parce que si on met en place des frais d'inscription, on va avoir une série de garde-fous, les enseignants-chercheurs, les étudiants qui vont aller dans la rue et ça ne va pas marcher. Et donc, conscient que chacun de ces changements suffirait à embraser l'université, donc ils vont mettre en garde contre l'idée d'une mise en œuvre simultanée de leur proposition. Ils disent, donc début de citation, « Pour éviter de se heurter à un front de résistance interne et externe qui conduirait à l'échec, la réforme doit être menée pas à pas, sans proclamation tonitruante. » Et en fait, sur les expérimentations de frais d'inscription, c'est exactement ce qui a été fait. C'est que Il y a donc, hormis une partie des grandes écoles, pas toutes, on a eu les écoles d'ingénieurs il y a 3 ans maintenant, je crois, Sciences Po, Dauphine, tous les diplômes d'université sont payants. La dernière fois, je m'amusais à regarder sur la page d'Assas, il y a 70 diplômes d'université payants à Assas qui vont jusqu'à quasiment 20 000 euros, c'est 17 000 euros au maximum. C'est énorme. Et en fait, c'est des choses qu'on invisibilise totalement en disant que les universités sont gratuites. C'est faux. Une partie seulement, non sélective et non payante. Enfin, non sélective, c'était encore hier. Alors, je dis à Guillaume Cohen, c'est assez marrant, pour faire une aparté. Donc, Philippe Aguillon s'est plusieurs fois exprimé, par contre, depuis, contre la hausse des frais d'inscription. Je ne sais pas si ça peut être dit publiquement, mais au moins ce sera dit et enregistré, mais ce serait bien. On était à une audition de la Cour des comptes il n'y a pas longtemps, donc qui est en train de préparer un rapport sur la hausse des frais d'inscription. Et donc le rapport sortira en novembre, je crois. Et donc c'était une demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Philippe Aguillon, en l'occurrence, s'est de très nombreuses fois affirmé sa position contre la hausse des frais d'inscription et donc pour une défense de la gratuité de l'enseignement supérieur. Peut-être qu'on peut plus prêter les propos à Eli Cohen. En tout cas, les deux sont dans le rapport. Donc voilà, même si elle se déploie selon la logique des petits pas plutôt que de la grande réforme, on a bien une logique de hausse des frais d'inscription qui est, vous me pardonnerez l'expression, en marche. Et donc, si on revient un peu très rapidement sur ses motivations et les limites aux arguments des frais d'inscription, le premier argument, c'est le plus tautologique, il est très marrant, il consiste à affirmer que la hausse des frais d'inscription, elle permet d'accroître les moyens qui sont alloués à l'enseignement supérieur. En fait, quand on regarde les expériences étrangères, ça n'a jamais marché, tout simplement parce que, d'une part, on a, à chaque fois qu'on a une hausse des frais d'inscription, on a une diminution des engagements de l'État, on a une diminution des dépenses publiques. Par exemple, au Royaume-Uni, entre 2005 et 2008, les dépenses de l'État ont diminué de 18%, pendant que les dépenses des ménages augmentaient de 54%. Par ailleurs, les mécanismes qui accompagnent les frais d'inscription, donc c'est tout ce qui est, permettre de garantir les prêts, notamment, c'est des mécanismes qui sont relativement coûteux pour les finances publiques. Et Aurélien Castel, dans un ouvrage très récent, montre qu'au Royaume-Uni, entre un tiers et la moitié des sommes prêtées ne seront jamais remboursées. C'est 7 milliards de livres sterling sur 20 milliards en 2010. Aux États-Unis, où on a une dette, il y a un compteur de dette. Alors, c'était longtemps que je peux aller le voir. La dernière fois, il était à 1500 milliards de dollars. C'est pas mal. Donc, on a un volume de la dette qui est supérieur au prêt hypothécaire qui était dans les subprimes en 2008. Voilà. Donc, après, les prêts hypothécaires des subprimes, c'était une partie seulement. C'était 10 ou 15%, je sais plus, j'ai plus le chiffre et je suis très mauvais en macroéconomie, mais en tout cas, voilà, on est à des niveaux démentiels. Et on a un taux de défaut à calculer. Alors, il y a plein de taux de défaut calculés, mais a priori, il serait autour de 11%. Dans les travaux scientifiques qui calculent taux de défaut à long terme, il serait de 11%. Et donc, ça fait peser un risque important pour les finances publiques américaines. Par ailleurs, la concurrence, on le sait, promeut des dépenses qui sont peu productives, les dépenses de marketing, les dépenses de communication, de lobbying, les projets d'expansion, enfin tout ça. Et à titre d'exemple, j'aime bien le rappeler, à Sciences Po, lorsqu'on a eu une hausse des frais d'inscription en 2004, on a eu donc des recettes qui sont passées de 5 à 25 millions d'euros et une partie importante des financements a servi en fait à alimenter un système de primes pour les enseignants-chercheurs qui a été dénoncé par la Cour des comptes. Il y a plein d'arguments comme ça qui montrent que lorsqu'on augmente les frais d'inscription, on n'augmente pas les moyens qui sont alloués à l'enseignement. Le deuxième argument, qui était sans doute, et on revient beaucoup dessus dans le livre, et sans doute le plus compliqué à déconstruire, c'est celui de la justice sociale. C'est de dire, l'enseignement supérieur est massivement fréquenté par des classes supérieures, or, il est financé par l'impôt, donc c'est inégal. Le raccourci est que les prolétaires financent les bourgeois. Très très gros raccourci. Ça, cette idée-là joue encore plus dans le cas des grandes écoles. Oui. Il ne faut pas trop l'employer pour les stages. Non, mais elle marche aussi et du coup, c'est compliqué un peu de. Pour les grandes écoles. Oui, totalement. Et donc, le financement de l'enseignement supérieur, il ne serait pas équitable pour trois raisons. Donc, en raison des modalités de contribution à son financement, comme je viens de le dire. D'autant plus qu'il repose sur un impôt qui est faiblement progressif, voire régressif. En raison de la faiblesse des aides pour les étudiants des milieux populaires. Et puis, en raison d'une participation différenciée en fonction des filières, justement, grandes écoles, universités, et même d'accès à l'enseignement en fonction de son origine sociale. Et donc, la libéralisation tarifaire des études ferait œuvre de justice sociale en faisant plus largement reposer le coût des études sur les étudiants eux-mêmes, majoritairement issus des classes sociales favorisées et susceptibles de bénéficier de salaires plus élevés. Et donc cette rhétorique en apparence égalitaire s'appuie toutefois sur une vision uniquement marchande de l'éducation, qui nie évidemment toutes les retombées individuelles et sociales de l'enseignement supérieur qui échappent au seul secteur marchand. Vie individuelle, puisqu'il y a des retombées individuelles qui ne sont pas uniquement du salaire, mais qui sont des retombées non marchandes et individuelles, comme des retombées marchandes, non marchandes et sociales. Et pour qu'une libéralisation des tarifs soit équitable, il faudrait que les contributions des diplômés soient progressives, et qu'il y ait pile un strict continuum des contributions, ce qui n'a jamais été le cas à l'étranger, ce qui est impossible à mettre en place, et l'idée selon laquelle il faudrait augmenter les frais d'inscription au nom de la justice sociale et de l'égalité est en fait une chimère. Le seul rapport qu'on a en France qui a été réalisé par le Conseil de l'emploi des revenus et de la cohésion sociale a montré que même si elle est de faible ampleur, il y a une forme de redistribution entre ménages qui existe dans le système actuel. Et par ailleurs, on a un certain nombre de... On a deux travaux qui montrent que... il n'y en a qu'un, qui montre que si on met en place des frais d'inscription et des prêts à remboursement conditionnels, on arrive à un système qui serait moins redistributif que ne l'est la gratuité actuelle, malgré les inconvénients qu'elle peut parfois présenter. Et enfin, le dernier argument mobilisé, et il va vraiment dans la logique de Parcoursup et de faire des étudiants des entrepreneurs de leur devenir, c'est que les frais permettraient de sélectionner les étudiants, parce que ceux-ci ne s'inscriraient dans des formations payantes que s'ils estiment qu'ils sont suffisamment dotés qu'ils ont les capacités pour y réussir. C'est toutes les théories autour de la symétrie d'information et donc de dire que la fac ne connaît pas le niveau de l'étudiant vu qu'il n'y a pas de forme de sélection et qu'en payant des frais d'inscription, on révèle ses vraies capacités. Ils inciteraient aussi les étudiants à l'effort, donc ça c'est dans la littérature économique, dans la mesure où ceux-ci, en payant, seraient poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes, en étant mis en concurrence. Et ils orienteraient les étudiants vers les filières qui sont socialement utiles. En fait, une telle vision est totalement déconnecté de la réalité. À chaque fois, les travaux qui portent sur ces trois trucs, sélection, orientation, motivation, c'est uniquement des travaux théoriques en économie qui reposent sur une formalisation mathématique excessive et qui ne tiennent pas compte de... c'est des visions totalement asociologiques des choix scolaires qui n'intègrent pas l'hétérogénéité des comportements observés en fonction du milieu social et qui s'appuient sur plein d'hypothèses que je passe, mais très très contestables. Et elle passe aussi sous silence tout ce qui est question d'aversion à la dette des étudiants qui dépend de l'origine sociale. Et par ailleurs, il y a plein de travaux sur lesquels on pourrait revenir qui montrent qu'en mettant des frais d'inscription, donc plein de travaux empiriques pour le coup qui se basent sur des données réelles, qui montrent qu'il y a des effets sur l'accès des études, sur le choix des études et sur les débouchés à l'issue d'une formation et qui sont défavorables aux étudiants des origines les plus modestes. Alors, j'en viens maintenant un peu au cœur du propos. Je vais essayer quand même de faire vite. Mais donc, est-ce qu'on est condamné à augmenter les frais d'inscription? Et donc, un des chapitres du livre, le dernier, c'était de réfléchir à autre chose. Parce que face aux risques que font peser un système par frais d'inscription, non seulement sur l'économie mondiale, si on se pose un peu un but macroéconomique, mais aussi sur la manière dont on conçoit l'éducation, le savoir, et donc comment aussi on normalise les conduites étudiantes, on peut essayer de se poser la question de est-ce qu'on pourrait faire autre chose. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays nordiques, en termes de financement des études, c'est assez, assez amusant. On n'a pas de frais d'inscription, et au contraire, dans beaucoup de pays, on donne des allocations d'études aux étudiants, et donc on pourrait essayer d'imaginer quelque chose de relativement similaire en France, enfin de transposer un peu ce système-là en France avec une analogie au système des retraites. C'est pour ça que le titre de la présentation, c'était un système par répartition, par opposition à une capitalisation dans lequel l'étudiant investit dans son capital humain, et donc un régime par répartition. Ce serait un régime dans lequel on aurait une absence de frais d'inscription, un financement public des universités et puis une allocation universelle d'autonomie pour les étudiants. Et donc l'éducation par répartition, elle doit avant tout être comprise comme un contrat social qui serait fondé sur la solidarité intergénérationnelle et l'équité contributive. Elle permettrait véritablement aux étudiants de réaliser leurs études en échange, une fois entrés dans la vie active, d'une participation au système de financement et pas un remboursement, comme dans le cas des frais d'inscription. Et dans la mesure où l'éducation est source d'externalités positives, non marchandes, qu'elles soient individuelles ou non, le financement du système doit également reposer sur la collectivité dans son ensemble. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans la logique des modèles socialisés d'éducation. Et donc, dans l'ouvrage, mais en fait, le chapitre de l'ouvrage est tiré d'un article en cours de publication. On fait deux propositions concrètes. Je dis ça parce que du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le bouquin et qui vont être compliquées à présenter sans diapositive, mais qui sont j'y reviens dans 5 minutes. Donc on fait deux propositions concrètes qui sont tout d'abord d'octroyer aux étudiants une allocation d'autonomie. Et donc, d'après les calculs qu'on a réalisés, on est parti de l'enquête conditions de vie là, en 2016 de l'Observatoire de la vie étudiante, et on a calculé les dépenses mensuelles moyennes des étudiants des cohabitants qui s'élevaient, sur les slides c'est plus parlant, là ça va être insupportable, mais à 765 euros loyer compris, et celle des étudiants vivant chez leurs parents à 342 euros. Après on a vu qu'il y avait des différences, Paris, etc. Mais en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi, parce que le but c'était vraiment de faire une proposition pour la porter dans le débat public et à discuter. Mais du coup on a établi un montant d'allocation universelle calqué sur les dépenses réelles des étudiants à 600 euros hors loyer par mois, et puis pour les étudiants qui s'émanciperaient du domicile familial à 1000 euros par mois. Ce sont les chiffres de 2015. Oui, ils n'ont pas bougé pour le coup. Après, les autres ont été tous réactualisés. Donc voilà, j'explique après comment on compte financer ça. Et donc la deuxième proposition, c'est face aux besoins de financement que connaissent les universités, on proposait d'aligner la dépense dans le cycle licence sur celle des classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc c'est une augmentation. Alors là, pour le coup, on a réactualisé les chiffres, mais ils n'ont pas bougé. Il y a toujours 5000 euros d'écart entre un étudiant de classe prépa et un étudiant de licence. Et donc, c'est 5000 euros supplémentaires pour un peu plus d'un million d'étudiants chaque année. Et donc, ça permettrait aux universités de lutter contre l'échec, contrairement à Parcoursup, qui n'a, à mon avis, aucune vocation à lutter contre l'échec, même si c'est l'objectif affiché. Mais là, ça permettrait véritablement de lutter contre l'échec en donnant aux universités les moyens d'assurer une réelle prise en charge et un réel suivi des étudiants par le biais de mise en place de classes à petits effectifs, de la suppression des cours magistraux en grand amphi au profit de petits effectifs, de sessions de rattrapage, de mécanismes d'orientation, même de cours supplémentaires, etc. On peut imaginer plein de choses. Je réfléchis, je vais peut-être passer une ou deux choses parce que sinon on détaille, mais pour le coup on détaille dans l'article pourquoi on pense qu'un tel système, et alors on met en place tout un certain nombre de conditions, mais on pense qu'il est efficient et équitable. Je pourrais revenir là-dessus, mais je pense que c'est plus important de revenir sur comment est-ce qu'on le finance et est-ce que ça marche, puisque c'est un peu ça on parlait un peu des utopies tout à l'heure, donc est-ce que est-ce que c'est vraiment faisable ou pas. Et donc le chiffrage d'une telle mesure n'était pas évident parce qu'on a fait plein d'hypothèses. Et donc sur le financement de l'allocation, donc on a supposé qu'on avait une population étudiante qui était globalement stable parce que forcément ça augmenterait l'accès, mais les redoublements diminueraient, donc on passerait moins de temps dans le système, en tout cas sans doute les réorientations ou en tout cas les échecs liés au fait de, par exemple, de travailler en dehors de ses études. Et on a considéré que le taux d'étudiants qui continuerait à vivre chez ses parents ne varierait pas sensiblement, et donc c'est, je ne sais plus comment ça doit être, un tiers qui est des étudiants qui continuent d'habiter chez leurs parents. Enfin voilà, on a fait plein d'hypothèses et on proposait que l'allocation d'autonomie, donc qui aurait un coût, je ne vous passe tous les détails, mais d'un peu plus de 21 milliards d'euros par an, on supprimerait un certain nombre d'aides, les bourses, les APL, les ALS, etc. Que ça pourrait être pris par la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale ou par l'extension de l'actuelle branche famille de la sécurité sociale, par analogie en fait avec le système de retraite, en proposant que les cotisations sociales alimentent une nouvelle branche. Et que c'est très technique, c'est très compliqué. En 2011, c'était possible de regarder l'augmentation que ça représentait pour les cotisations patronales. Et maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a des taux différenciés en fonction des salaires s'ils sont 1,6 fois supérieurs au SMIC ou non. Mais en gros, ça représenterait une augmentation des cotisations patronales pour un montant de 21,6 milliards d'euros. À cette allocation d'autonomie s'ajoute le coût de l'augmentation des moyens, 5 000 euros par an, et ça, on proposait de reprendre le barème de l'impôt et de le rendre un peu plus progressif. On a fait aussi une simulation un peu plus homothétique, et donc c'était un accroissement des tranches marginales d'imposition de 7%. Voilà, en gros, celle qui est à 14% passera à 15%, celle qui est à 30 à 32, à 41 à 43,9 et à 45, 48. Et donc, ce qu'on a fait une fois qu'on a fait tous ces calculs, on a essayé de voir quels effets il y avait pour les ménages, en se disant est-ce que tout le monde va être gagnant ou pas avec un tel système. Mais tant qu'on sait que c'est possible, le total donc fait 21,6 milliards plus 5, donc 26 milliards, ce qui revient à doubler le budget de l'enseignement supérieur et la recherche, mais en fait, ce qui est une dépense beaucoup plus petite que celle qui a été faite, par exemple, pour créer notre système de sécurité sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un effort beaucoup moins important. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être fait. Et les effets, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé différentes familles types de ménages, on a regardé avant et après la réforme, pendant la réforme, combien les personnes gagnaient, l'augmentation des impôts, mais combien du coup les étudiants recevaient tous les mois par allocation, donc plein de trucs très chiants. Et en gros, ce qu'on montre, c'est qu'hormis les familles les plus riches, tout le monde est gagnant avec un tel système. Il y a plus, c'est beaucoup plus contributif et ça permet de mieux redistribuer, donc ça rend en plus le financement beaucoup plus équitable qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Et donc voilà, d'un côté, je vous ai épargné tous les transparents très pénibles sur les tableaux, mais que j'aurais de toute façon pas eu le temps de présenter. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de ces simulations, c'est qu'il y a un autre mode de financement de l'enseignement supérieur qui est possible. C'était ça vraiment le but de la proposition et de faire tous ces calculs rébarbatifs. Qu'en tout cas, c'est possible. Et il permettrait, si on mettait en place un tel système, de faire... alors, il y a eu des propositions avant, hein, le plan Langevin-Wallon, c'est ça, ouais. J'arrive en 49, c'était typiquement ça. Il y a des propositions d'universitaires, notamment Aurélien Casta, c'est un peu différent, mais c'est dans le même ordre d'idée. Les syndicats étudiants font des propositions aussi parfois dans ce sens-là, notamment Sud et l'UNEF. L'UNEF, on ne fait plus depuis longtemps. On pense qu'un tel système, et on le montre dans l'ouvrage et dans l'article, il pourrait se révéler équitable, efficace, et il permettrait réellement de financer l'enseignement supérieur. contrairement à un système parfait d'inscription qui ne remplirait pas ces trois conditions. Et qu'effectivement, c'est une dépense qui est très importante, mais à titre d'exemple, c'est à peine moins que la moitié des intérêts qui sont associés au coût de la dette. C'est à peu près la même chose que ce que coûte le CICE par an, alors que son efficacité a été démontrée de très nombreuses reprises. C'est pareil, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est affolant le CIR de voir qu'on le garde alors qu'on sait que c'est inefficace, que ça crée plein de comportements, et que de l'autre côté, on finance des vagues de précaires. Enfin, bon. Bref, pour arriver à conclure, donc la mise en place d'un tel système, même si c'est un coût très important, à notre avis, c'est pas l'obstacle le plus important, c'est pas son financement, la question financière, c'est pas la crise de la dette, pour faire le parallèle avec comment on introduit les frais d'inscription, mais vraiment d'arriver à ramer à contre-courant des politiques actuelles qui, bah, dans tous les domaines, vont marchandiser plutôt qu'elles vont socialiser, elles vont promouvoir la concurrence plutôt que la coopération, et puis vont défendre l'individualisme au détriment d'une forme de solidarité entre tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bien. Donc oui, c'est possible, mais... Et j'ai une question. Hein. Est-ce que cette utopie, pour la concerne en premier temps, elle garde les écoles privées, les écoles de commerce, les écoles... elle s'inscrit dans... Elle est valable pour tous les étudiants, quel que soit leur... Alors là, on l'a fait pour en plus, les calculs, oui, reposent sur tous les étudiants, qu'ils soient des... Mais le but, c'était vraiment, voilà, c'était typiquement ça, le but, c'était de faire une proposition pour qu'ensuite, elle soit débattue, donc là, ça a quelque chose. Mais évidemment, je pense qu'on peut essayer d'aller beaucoup plus loin et de dire que ça paraît déjà totalement inconcevable qu'on finance le système privé en France aujourd'hui, pourtant, c'est ce qu'on fait. Déjà, on le finance très massivement, et donc, là-dessus aussi, on pourrait vraiment se poser la question de garder ça. Là, on a le but, c'était vraiment de dire on inclut tout le monde pour voir combien ça pourrait coûter, comment ça se... Évidemment, c'est absurde. Rapidement, en termes de réalisme sociologique, on sait bien que on suppose donc un État relativement volontaire qui va mettre en place toutes ces mesures. Et l'État, on sait bien que c'est un panier de crabes dans lequel on parle beaucoup de Bercy, par exemple, comme une espèce de machine que personne ne parvient véritablement à contrôler, même avec la meilleure volonté du monde quand on est de gauche, etc. Donc est-ce que une fois sorti de l'espace de calcul, du contre-calcul, en fait, qui est proposé, qui est tout à fait intéressant et pertinent, et dont on peut se saisir, est-ce que justement il n'y a pas besoin d'une sociologie profonde du fonctionnement des administrations et des institutions aujourd'hui? Parce que, pourquoi ça reste potentiellement une utopie, c'est qu'on voit bien qu'en fait, son engagement dans les formes d'État, au sens de forme très générale, voilà, risque d'être complètement perdu. On l'a vu beaucoup sur la culture, par exemple. Hein, les milieux sont sous pression depuis maintenant quoi, 20 ans, 30. L'époque langue est un peu passée, quoi. Et où, effectivement, les gens aujourd'hui sont en burn-out partout, dans les théâtres notamment, en particulier, parce que là, il y a un engagement physique encore plus fort qu'ailleurs. Enfin bref, il y a comment ça peut se réaliser politiquement, enfin ensuite dans le rapport à l'administration, tout ça reste... Les économistes ont un peu de mal après à regarder le fonctionnement des machines. C'est genre, aucune réponse. Aucune réponse. Bon, question suivante, non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour... Tu voulais te poser une question. Mais pour qui essaye de saisir un peu tout ce qui a été dit et qui rebondit sur la question de monsieur sur le travail. Alors, le travail tel que vous l'avez évoqué est un travail plutôt qui est défini, encadré, régulé par ceux-là même qui ne le font pas, qui en fixent le cadre. Je me demande alors, parce que bon, jusqu'à la définition même de ce que du coup nous sommes en tant que simples citoyens, nous sommes appelés à reconnaître nous-mêmes ces catégories comme un ordre naturel. Oui. Oui. On a 5 minutes encore. Hein. Et par exemple, ce que dit Bernard Friot, si vous amenez les gosses à l'école en partant à votre travail, cette activité n'est pas considérée comme un travail. Et pourtant, cette activité est la première d'une série qui va permettre aux gosses d'arriver à l'heure à l'école, qui va permettre aux profs de commencer à l'heure son cours, et etc. Et donc à l'institution scolaire ou locale, quotidienne, de fonctionner. Bon. Ce que l'on voit là, l'histoire de ce que dit Francis, le burn-out, relève en fait quantité de pathologies travail, quantité de problèmes qui ne reçoivent jamais de réponse. L'asphyxie financière des universités, le fait qu'il est impossible pour les chercheurs de trouver un petit financement pour un petit projet dans les sciences sociales. Il faut faire cette espèce de truc à millions là, monstrueux, qui sont qui vous impose d'avoir un administrateur. Il faut vraiment gérer tout ça. Ça sert à rien, c'est pas dans nos cadres, pas comme ça qu'on voit les choses, etc. Bon, mais tout ça, ça fait partie de notre quotidien, et c'est là-dedans que l'on doit s'inscrire. Ce que disait Dominique, si vous avez des projets donc validés par ces institutions-là, qui émanent de cette vision du monde fondée sur la verticalité, ceux qui décident ne savent pas comment les choses se passent, ceux qui savent ne décident pas, eh bien, on est là. Dans un quotidien, dans un monde qui est le nôtre, réalisme, etc., mais qui en même temps qui est un réalisme qui est purement idéologique, dans la mesure où il occulte ce que Coutreau appellerait le travail vivant. On fait ça, c'est-à-dire, mais moi pour faire ça j'aurais besoin d'eux, pour faire fonctionner le département, je n'ai pas besoin de précaires parce que les gens ne se projettent pas dans l'avenir. Comment voulez-vous que quelqu'un développe un objet comme ça sur 3 ans, tout ça, d'autant que trois ans c'est considéré comme du luxe, justement, c'est ce qui n'en est pas, etc. Donc au lieu de partir dans des réflexions sur la résistance et des trucs comme ça, la résistance tellement discrète, oui, ici aussi je suis allé à l'AG des étudiants, il y a des étudiants qui tiennent leur réunion remarquable, vraiment, c'est très bien organisé, tout ça dans le hall, dans l'indifférence générale autour. Bon, voilà, et donc ils font leur truc. Mais si l'on considère le travail vivant, on va intégrer le problème des parents à amener les gosses à l'école à l'heure. Il y a eu une étude qui a été faite comme ça aux États-Unis dans 2 quartiers, un quartier plutôt bobo et un autre populaire. Le quartier bobo, les profs s'attendent, l'administration de l'école s'attend tous à ce que les parents amènent les gosses à l'heure, et d'ailleurs c'est le cas, parents ou des gens payés pour, etc. Dans le quartier problème, eh bien l'administration et les profs sont arrangés pour commencer les cours plus tard, tout simplement parce que les gens n'ont pas de bagnole, sont pauvres, ceci, cela, ils ont des boulots de merde, comme il y a de bullshit jobs avec des horaires qui changent n'importe quand, tout ça, c'est difficile pour eux, ce travail, le travail d'amener les gosses à l'école est vraiment un problème, quoi, voilà. Et donc voilà, l'école s'adapte, mais cette adaptation, on peut penser que c'est du dysfonctionnement et que finalement les gosses n'auront pas leur content d'enseignement, que qui réussiront ensuite moins bien, etc. Donc, si l'on part, ça serait plutôt la perspective d'une Adolf Smith avec son ethnographie institutionnelle qui pointe comme ça les liens de coordination entre des lieux et des personnes, des lieux d'activité et des agents qui sont coordonnés dans le temps et l'espace, mais de manière éventuellement décalée, mais qui ne connaissent pas eux-mêmes toute la chaîne dont ils font partie. Une vraie révolution, si on veut, de nos manières de voir, de nos manières de faire, c'est précisément de réintégrer cette question-là, le travail vivant comme norme anthropologique, ouais. Disons, puisque toute activité qui va servir à quelque chose d'autre peut être considérée comme un travail, que ce fil d'Ariane-là peut être ce qui doit être l'objet de nos soins, et précisément pour aller à l'encontre de ces espèces de bonhommes là qui inventent des conneries et qui viennent les projeter comme ça dans la vie des gens, mais ce dont nous raffolons tous, parce que l'innovation c'est quand même ça, c'est quand même nous faire entendre que ce que nous faisons là c'est notre quotidien un peu à la con. Et que, effectivement, ce qu'on va nous apporter va transformer quelque chose dans notre monde. Mais ce qui a été conçu, on ne sait pas par qui. Ça arrive quand le produit est fini. Donc, ça nous tombe dessus. Les réformes de nos activités, ça s'est fait par on ne sait trop qui. Ça nous tombe dessus. On est toujours dans cette logique de la verticalité qui s'éloigne en réalité de la des exigences du contexte dans lequel nous nous trouvons pour faire les activités que nous avons à faire réellement. Ça, si je suis responsable, c'est une étude de Dr. Smith d'une classe, d'une école, je peux avoir un a priori négatif à l'égard des familles monoparentales. Parce que si j'ai affaire à une famille monoparentale, dites mince, je ne vais pas pouvoir faire confiance à cette famille-là pour qu'elle, moi, en tant que prof, je ne peux pas me fonder sur cette famille-là et en toute confiance, en pensant qu'elle aura la disponibilité pour que les gosses fassent la partie du travail que moi, prof, je donne à cette famille, je lui donne à faire. Voilà, c'est sa responsabilité. Et donc, je peux des familles comme ça, et Smith était dans ce cas-là, peut-être stigmatisées par l'éducation, le système scolaire, à cause de sa situation particulière par rapport aux attentes de ce système-là, qui fonctionne toujours sur le mode de la verticalité. Voilà. Non, mais merci pour cette conclusion, parce que du coup, on doit s'arrêter. Oui. Et ça repose quand même toujours la même question, c'est qui commence pour faire bouger ce truc, et surtout, si tu le fais vraiment, tu vas t'en prendre plein la figure. Donc, mais c'est simple. C'est-à-dire que moi, j'ai monté un labo à l'EHESS, qui est hors norme, et je m'en prends plein la gueule tous les 2-3 ans. Là, je sors d'une réunion ce matin, j'ai encore sauvé les meubles pour quelques mois, et à chaque fois, c'est un combat, et j'en prends plein la gueule, je fatigue, et de toute façon, on me fait comprendre que c'est pas possible. Mais, donc, il y a plein d'autres expériences, j'imagine, de ce niveau-là, qui sont pas légitimes. En plus, au niveau de l'institution, on t'explique, les enjeux sont à un autre niveau. Donc, comment on commence? Enfin bon, après, c'est un autre séminaire.